Chapitre 71e, à la vie, à la mort. Après avoir crié leurs à la vie, à la mort, leurs vives zygomares, la bande des aides triomphantes, tenant précieusement la sacoche de cuir, la caressant, faisant sur elle à son sujet mille plaisanteries, se rendit à l'hôtel qu'habitait le marquis Don Isigo Martolo. « Du champagne ! » commanda le marquis. On vu au succès de l'expédition, à l'argent que tous ces documents allaient rapporter, car bien entendu on n'allait pas seulement les vendre à l'Allemagne, on allait en même temps les proposer aux autres grandes nations, chacun des affiliés, chargés de la négociation, devant, sous serment, affirmer qu'on ne les soumettrait qu'à la seule nation avec qui ils traitaient. Le marquis eut l'honneur d'ouvrir, lui, la sacoche de cuir, d'en sortir les papiers. Il les étala sur la grande table du salon, brillamment illuminée pour cette inspection. « Voilà, dit-il, qui va nous dédommager du temps perdu et des pellicules noircies. Allons, Paulin Broquet, une fois de plus, est enfoncé définitivement par Zygomar. » Mais à peine le marquis Don Isigo Martolo eut-il étalé sur la table les documents, qu'il les feuilleta vivement, fébrilement. Puis il donna un grand coup de poing sur les documents et lança un juron formidable. Les aides qui le regardaient, qui suivaient ses mouvements, demandèrent avec anxiété. « Qu'y a-t-il ? » « Il y a que ces documents sont ceux que Madame Garitsa nous fournissait !» De la gorge de ces bandits, déconvenus et pleins de rage, sortirent des jurons au diapason de celui du maître. Mais le marquis, le premier moment de colère et de rage passé, étendit la main et réclama le silence. « Nous ne pouvons prétendre à ne jamais rencontrer des pierres sur le chemin de la victoire. Nous avons affaire à forte partie. Notre triomphe n'en sera que plus beau. Car, messieurs, nous allons triompher. Nous devons triompher. Et vous allez voir que nous ne sommes pas longs à rendre coup sur coup. » Il sonna. « La comtesse d'Ortega est-elle chez elle ? » demanda-t-il au domestique. « Priez-la de venir me voir. » Quelques instants après, la comtesse apparaissait, toujours rayonnante de beauté. À son air joyeux, à l'éclat de ses admirables yeux noirs, le maître vit qu'elle ne pouvait lui donner qu'une bonne nouvelle. « Oui, dit-elle, j'ai réussi. » Le marquis dit à ses amis, « Il s'agit de la comtesse Varsovia, qui, victime d'un accident de vélo en Groom, a été reconnue femme et se trouve soignée à l'Hôtel-Dieu et gardée par des hommes de Paulin Broquet. La comtesse d'Ortega, en tant que dame de charité, qui visite les hôpitaux et les prisons, a pu organiser un groupe et s'est rendue aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu. Écoutons-la maintenant. » La comtesse ajouta. « Mes amis et moi, nous avons, sans éveiller les moindres soupçons, pu pénétrer dans la chambre qu'occupe la comtesse Varsovia. Elle n'a aucun mal. Et c'est une sorte de détention qu'on lui impose. Un homme de Paulin Broquet la garde jour et nuit parce qu'on n'ose pas encore l'arrêter, n'ayant pas de prétexte suffisant. En m'approchant de son lit, j'ai pu, tout en laissant tomber à terre mon sac à main et en me relevant après l'avoir amassé, j'ai pu glisser sous le matelas de la comtesse le paquet contenant une longue blouse, un bonnet, lui permettant de se déguiser en infirmière. Je lui ai remis l'ampoule de caoutchouc à long bec, remplie du soporifique puissant hindou, avec le contrepoison pour elle. Je lui ai glissé des instructions sur un bout de papier, le plan des bâtiments, le chemin à suivre pour arriver de sa chambre à la croisée sous laquelle on l'attendra, donner l'heure et toutes les indications nécessaires. Le reste vous regarde, messieurs. » Le marquis remercia sa sœur et dit, après avoir jeté un coup d'œil à la pendule, « Il va être l'heure fixée à la comtesse. Nous allons prendre notre revanche de la sacoche. » Peu après la bande des aides, ayant pris les dispositions nécessaires pour cette expédition, se tenait aux alentours de l'Hôtel-Dieu, guettant la croisée où devait, selon les indications, apparaître la comtesse Varsovia en infirmière. De son côté, la comtesse, qui dans son petit corps de mignonne blonde cachait une énergie rare et une audace à toute épreuve, la comtesse Varsovia, que sa vie d'aventure de toutes sortes avait rendue digne d'être affiliée aux aides, préparait son évasion suivant les instructions que contenait le bout de billet donné par la belle Pepa d'Ortega. Elle écoutait à la porte de sa chambre et acquit la certitude que son gardien se trouvait dans le couloir, tout près, assis sur une chaise. La comtesse doucement alors glissa le long tube de caoutchouc durci, mince comme une plume, dans la serrure, lui fit dépasser la porte. Elle donna une légère pression à la poire de caoutchouc mou qui contenait le soporifique hindou et envoya de l'autre côté un jet de narcotique. Ce poison très puissant s'évapore, se dilate et se répand largement. Son goût étant liquide, il n'a à l'état gazeux ni couleur ni odeur qui puisse trahir sa présence, mais ses effets sont puissants et prompts. La comtesse lança ainsi à intervalle de quelques minutes, deux ou trois jets de narcotiques, et attendit. Un ronflement sonore lui apprit que l'effet était produit. Son gardien dormait. Doucement, avec cette habileté que lui avait donnée la pratique de l'exercice de rat d'hôtel, s'étant habillée en infirmière, elle ouvrit la porte et se glissa dans le couloir, passant devant son gardien et lui adressant en filant un sourire railleur de triomphe. Le plan qu'elle avait longuement étudié lui indiqua son chemin, d'ailleurs court et peu compliqué. Il s'agissait tout bonnement de gagner une des croisées donnant sur la rue d'Arcole. Les aides, guidés par leur maître, attendaient là, aux aguets, depuis de longues heures, prêts à courir dès que la comtesse apparaîtrait. Ils épiaient toutes les croisées. La rue était absolument déserte entre la Seine et le parvis Notre-Dame, personne ne passait à cette heure. Enfin, après une assez longue attente, une des croisées donnant presque sur le quai s'ouvrit et dans l'ombre, la silhouette blanche de la comtesse apparut. Vivement, les aides se portèrent sous cette croisée. Ils étendirent un filet de gymnastique. La comtesse sauta dans le vide, on la reçut dans le filet, et quelques secondes après, elle roulait, libre, enchantée, dans l'automobile du maître, de Zigomar encore une fois triomphant. Zalavi, Zalamor. Triomphant, oui, il enlevait à Paulin Broquet sa prisonnière. Mais Zigomar ne put dans sa joie voir qui, derrière la comtesse, quand elle eut sauté dans le filet, venait refermer la croisée. C'était tout bonnement le gardien, l'homme de Paulin Broquet, qui tout en dormant, en ronflant, avait parfaitement vu la comtesse filer et lui envoyer son sourire ailleurs. Or, ce gardien avait ordre de laisser filer la comtesse si Zigomar essayait de l'enlever. Il devait la laisser filer parce qu'aux alentours de l'Hôtel-Dieu, d'autres hommes de Paulin Broquet avaient mission de voir où la fugitive serait emmenée. Et ces hommes, dans une auto, suivaient maintenant ceux qui se croyaient en plein triomphe. Ils les suivirent jusqu'à l'hôtel du marquis Don Isigo Martolo, où la belle comtesse brune attendait son amie la comtesse blonde, pour rire une fois de plus du détective si fort, si malin, qu'on roulait si bien. Or, maintenant, Paulin Broquet savait où se trouvait la comtesse Varsovia, et la comtesse Varsovia venait de lui donner le prétexte légal de l'arrêter, de l'écrouer régulièrement et d'arrêter en même temps sa complice. La belle Pepa d'Ortega, de pénétrer et de perquisitionner légalement chez le marquis Don Isigo Martolo. C'était ce que voulait Paulin Broquet, et Zigomar faisait admirablement son jeu.